Chapitre 15. Second chant de Gudrun. Gudrunar kvida onur. Le roi Thiodrek était près d'Atli et avait perdu la plupart de ses hommes. Thiodrek et Gudrun se confiaient leur douleur l'un à l'autre. Elle lui parla et chanta. Ma mère m'éleva, moi, la vierge des vierges, dans des salles brillantes. J'aimais mes frères jusqu'à ce que Gjuki, me couvrant d'or, me donna à Sigurd. Près des fils de Gjuki, Sigurd était semblable à une noble plante qui s'élève au-dessus des herbes, à un cerf superbe parmi des lièvres, ou à de l'or au rouge reflet à côté de l'argent à la couleur grisâtre. Ainsi fut-il jusqu'à ce que mes frères devinssent jaloux de mon époux, le premier des guerriers. Ils ne pouvaient ni se reposer, ni juger les contestations avant qu'ils eussent tué Sigurd. J'entendis résonner les sabots de Grani qui revenaient, mais je ne vis pas Sigurd lui-même. Tous les chevaux avaient le flanc ensanglanté par l'éperon. Poussés par les assassins, ils étaient blanchis d'écume. L'âme affligée, j'allais parler à Grani, et, les joues humides de pleurs, j'interrogeais le cheval. Grani courba la tête jusqu'à terre. Il savait bien que son maître était mort. J'hésitais longtemps. Mon cœur faiblit avant de demander au chef des peuples où était Sigurd. Gunnar baissa la tête, mais Högni me dit, au sujet de la mort de Sigurd, il gît assassiné de l'autre côté du fleuve. Celui qui a tué Guttorm est en proie au loup. On peut voir le corps de Sigurd sur le chemin du sud. On y entend crier les corbeaux, les faucons joyeux battent de l'aile et les loups hurlent alentour du héros. Comment, ô Högni, as-tu pu m'apprendre à moi, malheureuse, une si triste nouvelle? Personne ne te recevra, et les corbeaux te dévoreront le cœur sur une terre lointaine. Högni répondit à cette femme aigrie par la douleur. Ô Gudrun, ton désespoir serait plus grand encore si les corbeaux devaient dévorer mon cœur. Je m'éloignai d'eux, et j'allais seul rassembler les débris du festin des loups. Je ne gémissais pas, je ne frappais pas mes mains l'une contre l'autre. Je ne pleurais pas comme font les femmes, tandis que j'étais assise inerte près du corps de Sigurd. La nuit me parut noire comme une sombre nuit de nouvelle lune, tandis que j'étais assise pleine de douleur à côté de Sigurd. Les loups eussent été les bienvenus s'ils étaient venus me délivrer de la vie. J'aurais voulu qu'on me brûlât comme on brûle le bois de bouleau. Je m'éloignais du lieu du meurtre. Après 5 jours, j'arrivais près des hautes demeures de Half. Je demeurai 7 demi-années près de Thora, la fille de Hakon, en Danemark. Pour me distraire, elle broda en or des palais d'Allemagne et des rois de Danemark. Nous représentâmes en broderie les combats des guerriers, et avec l'aiguille nous dessinâmes des héros aux boucliers rouges et toute une superbe troupe de Yunnan bien armée et le haume en tête. Les vaisseaux de Sigmund s'éloignent du rivage avec leurs poulaines dorées et leurs poupes bien ornées. Nous brodâmes aussi les hauts faits de Sigar et de Sigair au sud du Fife. Grimhild, la princesse des Goths, entendit combien j'étais accablée de mon malheur. Elle se leva de sa couche et appela ses fils et les interrogea anxieusement pour savoir qui offrirait à leur sœur une composition pour la mort de son époux, le fils de Sigmund. Gunnar offrit de lui donner de l'or pour apaiser sa douleur et Högni fit de même. Elle demanda aussi qui voulait aller seller les chevaux, conduire les chars, monter les coursiers, chasser avec l'épervier et lancer les flèches avec l'arc recourbé. Les princes conduisirent devant moi Valdar le Danois, et Yarisleif, Eymod le troisième et Yariskar. Les guerriers lombards portaient des manteaux de guerre rouge, des armures brillantes et des haumes élevés. Ces hommes aux blonds cheveux portaient de larges épées. Ils me promirent de riches ornements. Ils me les promirent avec de douces paroles, si, après tant de douleurs, je voulais me fier à eux et accepter leur consolation. Grimhild m'apporta une coupe froide, amère, qui me fit oublier mes chagrins. On avait mêlé à la boisson la force d'Urda, l'eau froide de lac et le sang de la réconciliation. Ils avaient gravé en couleur rouge sur la corne à boire toute espèce de signe que je ne sus point comprendre. Le grand serpent du pays des Hadingen, des épis non coupés et les cavernes hantées par les bêtes fauves. Ils avaient mêlé à la boisson des choses malfaisantes, des racines de plantes, des herbes de la forêt, de la graisse de bœuf, des intestins d'animaux, du foie de sanglier qui adoucit la douleur. J'oubliais ainsi, hélas, les promesses faites à Sigurd. Les trois rois vinrent alors se mettre à mes genoux. Puis la reine elle-même s'approcha et dit « Reçois cet or, Gudrun, je te le donne. C'est l'héritage laissé par ton père. Des anneaux brillants, les bourgs de Lodvars et tous les serviteurs du prince défunt. Et des jeunes filles, Yun, habiles à tisser des étoffes d'or. Que cela te console. Tu disposeras à ton gré du trésor de Budli. Tu seras la brillante épouse d'Atli. » Gudrun, je ne veux plus épouser personne. Je ne veux plus du frère de Brunhild. Je ne dois pas avoir d'enfant du fils de Budli et je ne puis vivre avec lui. Grimhild, la haine ne doit pas retomber sur ce héros. C'est nous qui avons tout fait. Si tu élèves des fils, ce sera comme si tu possédais encore Sigurd et Sigmund. Gudrun, non, ô ma mère, je ne dois plus connaître la joie ni entretenir l'espérance des héros depuis que j'ai vu les corbeaux acharnés à leur proie boire le sang qui coulait du cœur de Sigurd. Grimhild, et cependant j'ai trouvé qu'Atli était le plus noble des princes et le premier de tous. Ne le repousse pas, tu demeureras seule et sans époux jusqu'à ce que l'âge te courbe si tu ne l'acceptes pas. Gudrun, ne me vante pas cette race méchante et perfide. Il fera périr Gunnar d'une mort affreuse et il arrachera le cœur de Hugni. Je n'aurai de repos que quand j'aurai abrégé la vie de ce chef qui conduit les guerriers au combat. Grimhild écoute en frémissant ces paroles qui annoncent la mort de ses enfants et la destruction de sa lignée. Grimhild, je te donne encore en propriété beaucoup de pays et de gens, Vinbjörk et Valbjörk, si tu consens à épouser le prince. Gudrun, eh bien, j'épouserai le chef, mais malgré moi et pour complaire à ma famille, jamais mon époux ne me donnera le bonheur et mes fils paieront la mort de mes frères. Les fils qu'elle aura d'Atli. Aussitôt les guerriers montèrent à cheval et l'on fit entrer les femmes welches dans les chariots. Nous voyageâmes 7 jours à travers une région froide et marécageuse. 7 jours nous naviguâmes sur les flots de la mer et 7 jours nous gravîmes des hauteurs arides. Les gardiens du grand bourg ouvrirent la grille et nous, chevauchant, nous franchîmes la porte. Atli m'éveilla, mais je lui parus rempli du pressentiment de la mort de mes parents. Atli, les Nornes m'ont tiré de mon sommeil, que mes rêves puissent être d'heureux présages. Mais je rêvais, Gudrun, que toi, la fille de Gjoki, tu me perçais le cœur d'un fer meurtrier. Gudrun, rêver de poignard signifie incendie, et la colère de la femme est un présage de querelles domestiques. Je brûlerai tes plaies envenimées et je les guérirai, quoi que tu me fasses souffrir. Atli, dans le jardin, je voyais arracher les jeunes plantes que j'aurais désiré voir grandir. Elles étaient arrachées avec leurs racines rougies de sang, et on les mettait sur ma table afin que je les mangeasse. Mes éperviers s'envolaient de ma main sans nourriture vers un lieu où ils devaient périr. Je mangeais leurs cœurs préparés avec du miel, mais couverts de sang. Mes chiens avaient fui loin de moi, je les entendais pousser des hurlements plaintifs. Leur chair s'était pourrie, et plein de dégoût, je mangeais leurs cadavres. Gudrun, tes serviteurs, pour préparer un festin, saisiront des porcs par la tête. Bientôt, ils les tueront, la nuit avant l'aube, afin de les servir aux guerriers. Depuis lors, je fuis le sommeil sur ma couche, et je songe. Mais j'agirai.